Les Violettes par Alexandre Couperine. Le mois de mai est arrivé. 300 jeunes cœurs de cadets palpitent, remplis de sentiments étranges, comiques et touchants tout ensemble. Témérité, amour propre, désespoir, frayeur mortelle, confiance en une chance aveugle, abattement morne, résignation au destin. La vie a perdu sa monotonie. Elle est sortie du cadre ordinaire du sévère régime militaire, dans lequel commandements et signaux martèlent chaque heure du jour et de la nuit. Les pupitres ont été sortis des classes, transportés dans les longues salles de récréation et disposés suivant les goûts des élèves, voisins qui, l'hiver, se disputent comme un couple de forçats reliés par une étroite chaîne et qui maintenant se montrent prévenants, conciliants, serviables, de vrais jeunes mariés. Parfois, 5 ou 6 pupitres réunis et emboîtés forment une espèce de bastion polygonal au mur extérieur, sorte de retraite d'arrière inviolable. C'est là que siège la corporation égoïste des fourmis, impitoyable sollicitation des cigales vagabondes. Toute la journée, on se rine infatigablement. Certains, se bouchant les yeux, les oreilles et même le nez, comme des baigneurs poltrons, se balancent dans un pesant ennui. Les bons élèves sont assurés et confiants, mais ils ont cependant pâli et maigri pendant ces jours affreux. Ils savent bien que tout se passera brillamment. Pourtant, cette pensée lancinante et jalouse les alarme. Et si tout à coup, je n'étais pas le premier, mais le second? Chers bons élèves, ornement du corps des cadets, orgueil de vos parents, vous n'êtes ni meilleur ni pire que les autres enfants. Mais qu'est-ce qu'une première place? Une vaine satisfaction d'amour-propre? À côté de ce printemps, lui succéderont d'autres printemps, dont vous jouirez à loisir, lentement et confortablement, en savourant consciemment leur charme, au nord ou au midi de tous les pays du monde. Mais jamais celui-là ne reviendra. Ce printemps prêt à se précipiter violemment, généreusement dans vos yeux éveillés, dans vos narines dilatées, dans vos trouillis subtils, dans vos esprits d'enfants, avides, observateurs, que rien n'a encore souillé, y déposant jamais la bonne semence de la joie et de la beauté terrestre. Dimitri Kazakov, élève de première, était aussi de cet avis. À dire vrai, il pensait autant à l'influence de la nature sur l'âme humaine qui peut songer un poulain bondissant dans un herbage, une grue sautillant sur une prairie marécageuse en modulant son étrange chant de printemps, un jeune renard qui, de son terrier, aspire avec prudence et crainte les premiers effluves printaniers, un paisible chameau apprivoisé qui devient subitement furieux lorsqu'il est saisi de la rage de printemps. Le printemps, c'est lui qui, par ses ensorcelantes odeurs, ses perfides enchantements et ses songes troublants, a enveloppé l'âme de l'adolescent d'une incompréhensible lassitude et d'une inconsciente joie sensuelle. Il ne peut tenir en place, il a envie de rire et de pleurer, suivant les impressions d'un bonheur suraigu ou d'une douce anxiété. Kazakov pourrait-il s'expliquer pourquoi l'été précédent, dans la propriété de ses parents, alors qu'il était un élève posé de seconde fumant déjà ouvertement, parlant d'une voix de basse, et sachant mieux que tous ses camarades faire le tourniquet, d'une seule main, à la barre fixe, il lui était arrivé, sans pouvoir refréner ce désir insensé de gamin, de bondir à un galop sauvage dans l'herbe haute baignée de la rosée du soir, la tête penchée, ruant, criant, et s'enivrant des pénétrantes senteurs de l'absinthe, de la cuscute, de la camomille et du trèfle. Pourquoi la nuit, pendant de gros orages, se précipitait-il hors de la maison, déshabillé, les pieds nus, passait-il à l'âde la jambe dans la sangle du pas de géant, et seul, sous une pluie torrentielle, s'élançait-il haut vers le ciel noir, vers le tonnerre et les éclairs, frémissant d'un enthousiasme délirant, d'un défi sans objet, d'une ardente jouissance de tout son jeune corps. De même, en ce nouveau printemps, il était tout entier au pouvoir des rêves mystérieux, du trouble inquiet et des palpitations irritantes de la vie. Comment étudier dans ces conditions? D'ailleurs, il ne s'était guère attelé aux études jusqu'ici. Obtenir des succès moyens, ou un peu au-dessous de la moyenne, quelle importance y a-t-il à cela? À l'époque des examens, on peut maîtriser sa volonté et rattraper le temps perdu. Mais maintenant, il vit dans un enchantement étrange. Comment enivrer d'un breuvage jusqu'alors ignoré? Il s'éveille, court à la fenêtre, s'assied sur le rebord et, dans un étonnement nouveau, comme s'il les voyait pour la première fois, il se dit, ou plutôt il sent profondément, « Voilà le ciel bleu, les nuages légers et transparents, et l'herbe, et les arbres au loin, là-bas, derrière les bâtiments. Et toute la longue journée, il la passe à arpenter l'immense cour du corps des cadets, foulé par des milliers de pieds. Il s'étend sur l'herbe courte, rare et misérable, et suit longuement des yeux, comme un miracle extraordinaire, la marche affairée et mystérieuse des fourmis, les chaînes des scarabées rouges aux taches noires qui s'entrecroisent, rampant lentement entre les brins d'herbe. 10 fois de suite, il relit la même phrase sans en comprendre le sens. Enfin, abandonnant son livre, il se couche à plat ventre et la tête appuyée sur ses coudes. Il contemple le ciel insondable jusqu'à ce que le mouvement capricieux des nuages l'entraîne et le fasse voguer lentement, lui aussi, dans l'espace éternel avec ses pensées ailées. Et voici venir le moment le plus doux, le plus inquiétant, le plus merveilleux, le soir. Tout s'est assombri. C'est à peine si le paisible couchant jette encore quelques flammes. Le crépuscule est verdâtre. Le bâtiment se détache en arêtes nettes et noires, avec ses fenêtres vides, non éclairées, qui paraissent maintenant étrangères. Les formes blanches des camarades se meuvent comme ensorcelées. Chaque branche d'arbre se détache avec une netteté surprenante, sur le ciel plus clair que la terre. Des hannetons invisibles bourdonnent. Au loin résonne une chanson cadencée. Des rires et les conversations sont adoucis. Le son le plus ordinaire vous parvient comme d'un autre monde. Et tout cela, comme un vin capiteux, pénètre dans chaque goutte de sang et peu à peu fait tourner la tête. Qui donc, invisible et silencieux, parcourt maintenant toute la terre? Quelle haleine soulève les cheveux et caresse la joue? Pourquoi cette respiration subitement oppressée, cette gorge serrée, ces larmes dans les yeux? Quel miracle va se produire dans une minute, à l'instant même? L'heure du coucher est venue. On appelle les élèves. Les chauves-souris au vol bas et oblique tracent des zigzags noirs dans le ciel et parfois vous effleurent presque le visage. « Je m'en vais là-bas, » se dit Kazakov, vers les murs gris et ennuyeux, et le grand mystère va s'accomplir sans moi, sous le ciel sombre, sans moi. C'est après-demain qu'ont lieu les derniers examens, les plus terribles, ceux de mathématiques. Mais en revanche, aujourd'hui, quelle merveilleuse matinée! Le ciel semble en fête. Et Dimitri jette résolument le gros algèbre dans son pupitre. Il veut aujourd'hui s'esquiver et rôder dans le vieux parc, où les promenades sont interdites. Il n'emmènera personne avec lui, personne. Il ira tout seul. Au déjeuner, il subtilise adroitement sous la main même du domestique, dont le regard est ailleurs, une côtelette supplémentaire qu'il glisse dans sa poche après l'avoir pressée entre 2 tranches de pain noir. Peut-être sera-t-il en retard pour le dîner, mais qui donc, parmi les surveillants, aurait l'idée à cette époque inquiète et ardente de faire l'appel des élèves. Le parc est difficile à atteindre. À l'angle d'un parapet datant de Pierre le Grand, se montre le gardien de service Pampnevski, à la main mutilée, serviteur pointilleux et éternel rapporteur. Ses yeux ternes, couleur d'étain, mais de fidèles yeux de soldat, ne perdent pas de vue l'unique sentier par lequel on puisse s'échapper. Une brèche du parapet, puis la dégringolade de la pente, à côté de la patinoire, 30 à 40 pas encore à découvert jusqu'à l'étang, et là, enfin, le long de l'étang vert et fongeux, s'élève un mur impénétrable de sol séculaire, tortueux et creux, derrière lequel on ne peut être aperçu. Un fidèle camarade se charge de détourner l'attention du gardien vigilant. Avec une générosité hypocrite, il tend au vieux Pnevski son petit pain du matin mis en réserve dans ce but. Le vieillard a une nombreuse famille pour laquelle un morceau de pain supplémentaire n'est jamais superflu. Le camarade jette ensuite l'hameçon. Son moyen est machiavélique, mais sûr. Dans quelle guerre et à quelle bataille Pampnevski a-t-il perdu 2 doigts de la main droite? D'abord, Pampnevski regarde de travers avec méfiance. Plus d'une fois déjà, il a mordu à cet appât séducteur. Mais le visage de celui qui l'interroge est si bonhomme. Les yeux naïfs expriment tant de vivante sympathie. Le sujet même du récit, l'événement qui, de Pampnevski, gentilhomme polonais, de belle mine, plein de force et d'ardeur au travail, a fait un pauvre infirme, est si vivante encore, et tient tant au cœur du vieillard que le poisson mort et le voilà pris. Pendant ce temps, Kazakov, plus rapide qu'un vent de plaine, bondit sous l'abri sur des sols touffus. Jusqu'au bout de l'étang, il ne peut modérer sa course. Il ne s'arrête qu'après avoir atteint un raidillon sur lequel s'entrelacent des buissons de sureau. de bois gentil et de chèvrefeuille sauvage. Là, il reprend haleine et longe au pas une serre abandonnée où tiennent encore çà et là quelques vitres troubles et irisées, franchit légèrement le fossé plein d'eau et descend vers la rivière étroite mais profonde. L'eau semble noire comme de l'encre, tant les buissons l'enserrent étroitement sur ses deux rives, y baignant leurs longues branches pendantes. Elle sent mauvais à cause de la proximité de nombreuses fabriques. Kazakov n'a pas le choix. Il se déshabille avec une rapidité surprenante et se jette dans l'eau, d'un élan, sans hésitation. Ses pieds touchent le fond vaseux, glissant et rugueux. Il suffoque un instant, saisi d'un violent frisson, puis, à grande brassée, il nage agilement, parcourant la rivière plusieurs fois d'un bord à l'autre et, quand, après s'être rhabillé, il remonte lentement le talus, il sent avec délice une légèreté étonnante dans chacun de ses muscles, comme si tout son corps ne pesait plus rien. Il lui semble qu'avec un très petit effort, il pourrait se détacher de la terre et s'envoler dans les airs comme un grand oiseau. Le voilà enfin sous le haut couvert de l'allée du parc. Les vieux tilleuls contemporains de Pierre le Grand, qui a donné autrefois ce parc avec le palais à un grand seigneur son favori, sont si fabuleusement, si incroyablement hauts qu'on se sent tout petit en passant au-dessous. Cette allée est toujours plongée dans une pénombre verte et une fraîcheur humide. Par endroits seulement, luisent, ondulent et tremblent la terre de petits disques doubles de soleil, semblables à des pièces d'or jetées d'en haut par une main capricieuse. Kazakov suit la large allée, paisible et majestueuse, pareil à un temple vide, désert et froid où il serait entré par hasard, en pleine chaleur de midi. Voici une tête de lion en marbre, ravinée par le temps, dont la gueule laisse couler un mince filet d'eau argenté dans une vasque plate. Kazakov applique ses lèvres et aspire avec délice l'eau froide et douce. Soudain, quand il referme sa bouche, nous tombent des gouttelettes brillantes, un parfum délicieux, subtil et doux, sobre et enivrant à la fois, lui frappe le drap. Kazakov le suit, tourne la tête de tous côtés, aspire l'air en dilatant ses narines comme un chien de chasse. Il descend dans le ravin humide où s'écoule en ruisselet le trop-plein de la vasque. Merveilleuse découverte! Toute une oasis de nos charmantes petites violettes foncées d'une or plus parfumée que nulle part au monde. Rampant sur les genoux, il cueille les fleurs avec soin, en tâchant de ne pas les froisser. Avec une élégance inconsciente, il en fait un petit bouquet, l'entoure de feuilles rondes et humides et l'attache au moyen d'un fil que de ses dents il arrache à son mouchoir d'écolier. Mais quand il remonte et se retrouve sur le chemin, à demi embailli par l'herbe, un tableau imprévu, enchanteur, le force à s'arrêter, muet d'admiration, presque de peur. Une femme s'avance juste en face de lui, au milieu de l'allée. Il semble qu'elle flotte dans l'air, que ses pieds ne touchent pas la terre. Tout de blanc vêtu, on dirait, parmi la verdure sombre et épaisse, une statue de marbre animée par miracle et descendue de son piédestal. Elle avance toujours, comme un prodige doux et terrible. Elle est grande, légère, bien faite. Son visage en fleurs est très beau. Ses bras tombent avec une grâce aisée des deux côtés de son corps. Une lourde natte d'or éclatant entoure sa tête comme une couronne royale, et d'en haut, un être invisible répand sur sa forme blanche des pétales d'or qui glissent. La voici à deux pas maintenant. Chacun des traits de son jeune et frais visage est pur, noble et simple comme une géniale mélodie. Le regard de ses grands yeux est extraordinairement bon, clair et radieux, et leur couleur rappelle étrangement celle des fleurs qui tremble dans la main de l'adolescent immobile. Elle s'arrête. Un sourire céleste joue sur ses lèvres, et comme une corde de violoncelle, sa voix résonne, pleine et profonde. « Quelle délicieuse violette! Est-il possible que vous les ayez cueillies ici? Combien il y en a et qu'elles sont jolies ?»« Ici, » répond Kazakov d'une voix qui ne lui paraît pas la sienne. Ce n'est pas lui, mais quelqu'un d'autre, entouré d'un brouillard rose, qui tend les fleurs et dit « Acceptez-les, je vous en prie. Si elles vous plaisent, je serai... » L'émotion contracte la gorge du pauvre cadet. Son cœur bat tumultueusement. Ses yeux sont prêts à se remplir de larmes. La princesse de Conte de Fées le comprend. Son visage s'illumine d'un doux sourire et rougit légèrement. Elle lui dit « Merci ». D'une voix caressante, et ce simple mot retentit comme un appel de cymbale dans le cœur solennel des anges. D'un gracieux mouvement, elle fixe à son sein le modeste bouquet de violettes, à l'endroit où, à travers une légère dentelle crème, apparaît le rose de son corps. Elle tend à Kazakov sa jolie main tiède, dont la pression est si ferme, si douce et si cordiale. Et le jeune homme perçoit, en même temps que l'arôme des violettes, un parfum nouveau, chaud, soyeux, pénétrant. La conversation roule ensuite sur des riens dont Kazakov ne s'est jamais souvenu depuis. Sa mémoire n'a retenu qu'une chose, c'est que la jeune femme bat tous les ans au bal de Noël à l'école où doit rentrer Kazakov en quittant le corps des cadets, et que ce soir même, elle part pour l'étranger. Elle s'informe du prénom de Kazakov, et ce mot Dimitri chante sur ses lèvres avec une inexprimable harmonie. Elle quitte le jeune homme la première. Après avoir regardé l'heure à une petite montre d'or, elle lui tend encore une fois sa main merveilleuse et lui dit « Au revoir, j'ai eu grand plaisir à vous rencontrer. » Oui, oui, elle a dit ces mots « Au revoir » et elle disparaît comme un personnage de rêve au détour de l'allée. Le soir, au dortoir, Kazakov, allongé dans son lit, a peine à s'endormir. Il presse fortement ses mains contre sa poitrine et murmure avec ardeur et reconnaissance « Mon Dieu, mon Dieu !» Ces mots envoient à toute une naïve mais infinie bénédiction, à la terre, aux eaux, aux arbres, aux fleurs, aux cieux, aux parfums, aux hommes, aux animaux, à la bonté infinie, à la beauté éternelle. Il pleure ensuite, longuement, des larmes joyeuses et claires que jamais plus il ne connaîtra. Et si compliqué que soit plus tard son existence pleine de succès et de revers, d'amitié et d'antipathie, d'amour et de haine, il sourira toujours avec bonheur et reconnaissance, même dans sa vieillesse, quand, ayant oublié le nom et les traits du visage, il se rappellera les violettes fixées au corsage de sa princesse de conte de fées. C'est qu'un rare bonheur lui est échu en partage, celui d'avoir éprouvé, ne fût-ce qu'un instant, un amour réel, renfermant tout à la fois chasteté, poésie, beauté et jeunesse. Ainsi s'achève Les violettes par Alexandre Couperine.